إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on est dans le cours numéro 6 dans l'explication de mafasid al-intikhabat, les méfaits de la démocratie. Et bien sûr, c'est l'explication du livre Al-Adillatu Shar'iyya, les kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya du Cheikh Abil Qasim, Abu Abdissalam, Hassan ibn Qasim, Ar-Raymi. Et le point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est parmi les méfaits de la démocratie, il y a munaza'atu al-amr ahla, c'est-à-dire de disputer l'autorité ou la position de dirigeant à celui qui la détient. C'est comme si tu disputes avec lui pour avoir le pouvoir. Et ça, c'est pas permis dans l'islam. Il y a plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus pour nous dire, pour nous expliquer ça. Juste avant de rentrer dans le sujet, inshallah, juste pour vous dire en même temps que je suis en venant ici, j'ai téléphoné un chef. Et j'ai posé la question au sujet du fait que certains, il y a un MSA, le Muslim Student Association, l'association des étudiants musulmans de l'Université Concordia, ils ont commencé à faire leur prière de Jumu'ah dans une salle d'une loge franc-maçonnique sur Sherbrooke. Une loge franc-maçon, de la franc-maçonnerie. C'est une des loges les plus anciennes à Montréal, sur la rue Saint-Marc, si je ne me trompe pas, ou Saint-Jacques. C'est quand même de ces rues-là dans le centre-ville, une loge franc-maçonnique. C'est comme un endroit où les francs-maçons se réunissent pour faire leurs cérémonies, puis leurs rituels et tout. Puis c'est une des plus... Non, ça ils prient là-bas, ils ont leur local dans la semaine, mais le Jumu'ah ils font là-bas, depuis quelques temps, ouais. Donc j'ai appelé le cheikh pour lui demander à ce sujet-là, puis le cheikh il a dit que si c'est un endroit où les mouchriquins, enfin, les juifs ou les chrétiens se réunissent pour faire leurs cérémonies et leurs adorations et leurs trucs qu'ils font dans cet endroit-là, dans ce cas-là, ce n'est pas permis pour les musulmans de se réunir là pour faire la Jumu'ah. Et il a dit que c'est quelque chose qu'il faut éviter, et il a dit que c'est pas correct, et il a mentionné un hadith. Le hadith qu'on a étudié dans Kitab al-Tawhid à propos de al-Nadr, quand un sahabi a dit au messager d'Allah, j'ai fait un serment que j'allais égorger un animal à tel endroit, à Bawana, est-ce que je peux remplir ce serment là que j'ai fait? Il a dit, est-ce que c'est un endroit où on égorgeait pour les idoles? Il a dit non. Est-ce que c'est un endroit où les mouchriquins se réunissent régulièrement pour faire leurs adorations ou pour faire leurs célébrations ou cérémonies de la jahiliya? Il a dit non. Alors il dit, dans ce cas-là, remplis ton serment. Et donc il est allé le faire. C'est pour dire que s'il y a un endroit où les mouchriquins se réunissent, les kuffars ou les francs-maçons se réunissent régulièrement pour faire leurs rituels, pour faire leurs cérémonies dans cet endroit-là, c'est pas permis pour les musulmans d'aller pour faire leurs prières dans cet endroit-là, puis en particulier d'établir la Jumu'ah. Et ça c'était le Cheikh Salah Ismail Dakar qui m'a répondu à ce sujet-là. Et les gens de l'université Concordia, je ne les ai pas avisés encore, mais supposément ils ont demandé avant de le faire. je ne sais pas à qui ils vont demander, supposément ils vont demander à des chelours. Mais la franc-maçonnerie, on sait tous que ça, c'est une affaire grave, dangereuse, société secrète, avec des grades, puis des degrés, des trucs comme ça, 33 degrés, puis à la tête de ça, on ne sait pas qui. Il y en a qui disent que c'est les juifs, il y en a qui disent que c'est des... ouais, c'est des organisations qui travaillent de toute façon contre l'islam. Hein, ils veulent réunir de toute façon, ils veulent soi-disant réunir toutes les religions, ils appellent à ça, ils répandent le désordre dans les sociétés, ça c'est connu. Puis c'est une des grandes oppositions à l'islam. C'est ça, ça il y avait une fatwa, c'est ça, il y avait une fatwa là-dessus que c'est pas permis pour les musulmans de prier dans ces endroits-là, comme l'endroit où tu dis, comme les aéroports, où ils ont fait des lieux de prière mixtes. Dans le sens que, quand je dis mix, pas un mix par rapport à l'homme et la femme, mix dans le sens des mix de religions, multiples religions. C'est-à-dire, il y a dans la même place un lieu de prière pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans, soi-disant, ils prient à la même place. Et en fait, c'est ridicule parce que, de toute façon, il y a les bancs, les chrétiens, ils prient sur des bancs, tu vois. Et puis, je te jure que la place que les bancs prennent, ils prennent toute la place, il n'y a même pas de place pour les musulmans pour faire leur prière à la réponse de Dorval, c'est ça. Et puis de prier, il y a toujours une croix et tout ça. Donc c'est pas permis. De la même que la même chose que c'est pas permis, comme qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire un livre, un seul livre qui réunit sous son même couvercle le Coran, la Bible et la Torah. Donc, ils voulaient faire le Coran et la Bible sous un même couvercle, soi-disant pour réunir les religions ensemble. Et ça, bien entendu, c'est... Non, dans cet endroit-là, non. Mais tu peux prier n'importe où dans l'aéroport. Il y a plein d'endroits vastes. Moi, à chaque fois que je rentre là-bas, dans la salle d'attente, avant de rentrer dans l'avion, il y a des grandes places vastes. Hein, à chaque entrée, là, il y a des chaises et tout, il y a des tapis et tout. Il n'y a personne là-bas, des fois. Il y a plein d'endroits de portes d'entrée là, il y a pas un chat comme on dit. Donc tu peux facilement faire ta prière en paix là-bas, personne va te déranger. Moi à chaque fois je fais ça, personne qui me dérange. Et je vois pas pourquoi je devrais aller dans un endroit spécifique pour aller, surtout quand c'est mélangé avec des trucs de chrétiens puis de d'autres religions. Donc on va commencer après avoir dit ça là, on va commencer pour dire le cours. Donc le cheikh dit إن تولي الحكم في النظام الانتخابي لا يتجاوز مدته لا تتجاوز مدته أربع سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة ينتج عنها تولي السلطة حاكم آخر إن فاز بالانتخابات الجديدة. وفي هذه الطريقة الانتخابية مخالفة صريحة لنصوص السنة التي تحذر من منازعة الأمر أهله، فمن تلك النصوص ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم واللفظ للبخاري. Donc le cheikh dit que la transmission ou la prise du pouvoir dans le système électoral démocratique, sa période ne dépasse pas 4 ans habituellement. Selon les pays, des fois il y a des différences. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais ça dépasse pas en général 4 ans. Puis ensuite, il y a d'autres élections, hein, et puis ça veut dire que souvent il y a un autre président qui va gagner les élections, qui va prendre le pouvoir pour 4 autres années, et ainsi de suite. Et le chef s'est dit que dans cette méthode électorale, il y a une contradiction claire avec les textes de la Sunna qui avertissent justement contre le fait de disputer à celui qui est au pouvoir l'autorité qu'il détient et d'essayer de prendre sa place. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Et il mentionne quelques textes à ce sujet-là dans les hadiths authentiques. Il dit qu'il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les fils d'Israël, c'était leur prophète qui les dirigeait. Hein? Et à chaque fois qu'un prophète mourait, il y avait un autre qui venait prendre sa place. Chez les fils d'Israël, c'était comme ça. Mais il dit, moi, il n'y a pas de prophète après moi. Mais il y aura des khulafa. Hein? Il y aura des khulafa, c'est le pluriel de khalifa, c'est-à-dire des successeurs qui vont venir pour diriger la Ummah, et ils seront nombreux. Alors les sahaba ont dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Il a dit, remplissez votre engagement et votre serment ou votre allégeance pour le dirigeant à qui vous avez donné la bay'a en premier, puis ainsi de suite, l'autre qui va le suivre, puis l'autre qui va le suivre, ainsi de suite. Et donnez-leur leurs droits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander à ces dirigeants-là, au jugement dernier, au sujet de la responsabilité qu'ils avaient, hein, et que Allah leur a donné comme responsabilité. Et ça, c'est la narration de l'imam al-Bukhari. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il dit « وَقَوْلُهُ فُو فِعْلُ أَمْرْ بِالْوَفَاءِ وَالْمَعْنَ أَنَّهُ إِذَا بُيِعَ الْخَلِيفَ بَعْدَ الْخَلِيفَ فبيعة الأول صحيحة ويجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة. Donc ça c'est les paroles de l'Hafiz ibn Hajar. Il dit, fou c'est le verbe impératif pour le mot al-wafa, pour al-wafa. Et al-wafa ça veut dire de respecter et de remplir notre engagement. D'accord? Donc le verbe impératif pour dire al-wafa c'est fou. Hein? Et ça veut dire de remplir ou respecter ton engagement envers et d'être fidèle envers celui, envers le dirigeant à qui tu as donné ton allégeance en premier. Puis après que ce dirigeant-là soit mort, et là tu donnes ta bay'a à celui qui le suit, ainsi de suite. Et donc le cheikh il dit, une fois que tu as donné ta bay'a à un dirigeant, tu peux pas donner ton allégeance à un autre que lui. Si tu l'as donné à un, puis qu'on la donne à un autre qui ensuite, pendant que le premier est toujours là, l'allégeance ou le serment d'allégeance que tu donnes au deuxième n'est pas valable. Ça prouve que tu peux pas remplacer un dirigeant par un autre avant qu'il soit mort. Hein, c'est pas permis. Donc les élections c'est en contradiction avec ça. Tu donnes le pouvoir à un, puis après ça, tu brises ton allégeance pour lui, puis tu le donnes à un autre, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est en contradiction avec ça. Il mentionne plein d'autres preuves aussi de ce principe-là. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون هنات وهنات أو هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, et il mentionne ce hadith selon Arfaja qui dit, il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit إنه سيكون هنات وهنات, et il dit après par la suite, et quiconque veut diviser veut diviser les affaires de cette Ummah, alors qu'elle est réunie autour d'un dirigeant, hein, il veut lui diviser le commandement de cette Ummah alors qu'ils sont tous réunis, alors frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. C'est-à-dire, une fois que les musulmans sont réunis autour d'un seul dirigeant, et bien qu'un autre vient pour essayer de prendre sa place, frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. Ah oui, là ça y est, tous les candidats de... Allez, frappez-le, oui. Mais là, attendez, je vais vous donner d'autres détails, des explications de ça. Le cheikh dit, wa fi lafzin lahu aydan, man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashukka asakum aw yufarriq jama'atakum faqtuluh. Le prophète a dit dans un autre hadith rapporté par Muslim également, hein, celui qui vous vient, alors que vous êtes tous réunis dans votre autour d'un seul dirigeant, autour d'un seul homme, et que vous êtes tous réunis dans vos affaires autour d'un seul homme, et que quelqu'un vient pour diriger, pour briser le bâton de l'autorité qu'il détient, alors et qu'il veut diviser votre unité, vous amener la division dans votre unité et dans votre jama'a, alors tuez-le. Et ça c'est un autre encore hadith rapporté par Muslim, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans une autre narration de ce hadith rapporté par l'imam Muslim encore, من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما. Ça c'est rapporté par Muslim également, selon أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, si on a donné le serment d'allégeance à deux khalifas ou à deux dirigeants, alors tuez le deuxième ou le dernier d'entre eux. Tu es le deuxième d'entre eux. Et après, il nous rapporte un autre hadith, rapporté selon Muslim encore, c'est sahih, dans son sahih, selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa fihi, wa man bai'a imaman, fa'a'tahu safaqat yadih, wa thamarat qalbih, falyuti'ahu, in istata'a, fa'in ja'a akhar, ينازعه فضربوا عنق الآخر. Encore une fois, un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما, il dit que dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si on a donné la bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance à un imam ou à un dirigeant, et qu'on lui a donné notre main dans l'allégeance, et qu'on a, lui a donné le fruit de notre cœur, c'est-à-dire on était sincère envers lui, alors on doit l'obéir tant qu'on est capable. Et s'il y a un autre qui vient pour disputer, pour lui disputer son autorité ou son pouvoir, alors frappez le coup du deuxième, celui qui vient pour prendre son autorité. L'imam al-Nawawi, il donne un peu d'explication de ça, parce que l'imam al-Nawawi, celui qui a écrit Riyad al-Salihin, eh bien, il a écrit un commentaire de Sahih Muslim. C'est un des commentaires les plus célèbres du livre de hadith rassemblé par l'imam Muslim, comme le Hafiz ibn Hajar a fait un commentaire de Sahih al-Bukhari, l'imam al-Nawawi a fait un commentaire de Sahih Muslim. Et donc, l'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, il dit « قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَإِنْ جَاءَ آخَرْ يُرِيدُ أن ينازعه فاضربوا عنق الآخر معناه ادفع الثاني فإن خرج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فاقتلوه وإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. الجيش الإمام النووي la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, si un autre vient pour disputer son autorité, alors frappez le coup du deuxième, ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser le deuxième. S'il sort avec les armes contre le dirigeant, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le repousser excepté par le combat, alors combattez-le. Et si le combat vous amène à devoir le tuer, alors c'est permis de le tuer. Et il n'y aura pas aucune peine ou compensation à payer pour sa vie dans le cas où il serait tué. Pourquoi? Parce que c'est un injuste et transgresseur. Donc dans ce cas-là, il n'a pas à être compensé, par exemple, s'il a été exécuté ou tué dans cette guerre-là ou dans ce combat-là. Après le Cheikh il dit « وَقَالَ أَيْضًا قَوْلُهُ » parce que en fait, un des principes aussi, c'est que si le deuxième est là encore, et qu'il y a une partie de la population qui a donné la bay'a au deuxième, tant qu'il est en vie, s'il veut faire la fitna, ça va toujours créer de la dissension dans la société dans, entre ceux qui étaient pour le deuxième et ceux qui étaient pour le premier. Donc pour éviter les dissensions et les divisions de ce genre, hein, le principe c'est justement d'éliminer toute source de division dans la Ummah et de faire en sorte qu'il n'y aura pas de gens qui vont venir essayer de prendre la place de celui qui est au pouvoir. Ensuite le cheikh il dit, وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان فإنه فإن فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي قتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل فقتل كان هدرا. Ça c'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, wa alaykum salam wa rahmatullah al-Mukhtar, alhamdulillah. Donc le cheikh il dit ici que, également, l'explication de l'imam al-Nawawi, au sujet de qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, قال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم, celui qui veut, le prophète صلى الله عليه وسلم a également dit, et celui qui veut diviser votre affaire, alors que, walaykum salam, wa barakatuh, celui qui veut diviser vos affaires alors que vous êtes tous réunis, alors frappez son coup avec l'épée, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, ça veut dire peu importe comment il peut être pieux, ou comment il peut avoir de prestige, ou d'importance, ou de piété, ou de science. Peu importe qui il est, s'il vient et puis il veut disputer l'autorité à celui qui détient l'autorité, frappez-le avec l'épée. Et le cheikh explique ça, l'imam al-Nawawi, il dit, il y a dans ça l'ordre de combattre celui qui sort contre le dirigeant et qui veut diviser la parole des musulmans et donc toute personne qui fait ça, il doit être interdit de le faire. Et s'il ne cesse pas de le faire, d'essayer de diviser les musulmans, alors il doit être combattu. Et si il n'est pas possible de repousser le mal qu'il fait, excepté en le combattant ou en le tuant, et bien dans ce cas-là, c'est permis. Et s'il est tué, dans ce cas-là, il n'y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de compensation à payer pour le sang de cet homme, parce qu'il a créé la, il a fait l'injustice. فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَاقْتُلُوهُ معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشق عصاكم معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المقشوشة المشقوقة. وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. الشيخ explique, الإمام النووي explique aussi que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit frappez-le avec l'épée, ou dans l'autre narration tuez-le, cela signifie que si c'est la seule manière de le repousser, qu'il n'y a pas d'autre façon de le repousser, ou de l'éloigner, ou de le faire cesser de faire la division, excepté en utilisant ce moyen-là, alors utilisez ce moyen-là, et la parole du professeur Hassan quand il dit, il veut diviser votre bâton, c'est-à-dire votre unité et l'autorité du dirigeant, c'est-à-dire votre jama'a, il veut diviser le fait que vous soyez tous réunis autour de cet imam-là, et que vous êtes tous réunis autour de lui, et il veut vous séparer en deux, prendre le pouvoir et remplacer celui qui est déjà au pouvoir. Donc, ça c'est comme pour comparer le bâton qui serait cassé, hein, la même chose. Et donc, c'est ça ce que ça signifie. Quand vous êtes réunis, vous êtes comme un bâton, tous, un seul bâton. Mais quand quelqu'un vient pour créer la zizanie, puis diviser les musulmans, puis essayer de prendre le pouvoir et d'enlever celui qui est là et de se mettre à sa place, c'est comme s'il cassait le bâton en deux. Et donc c'est ça la comparaison. Et donc ça veut, c'est comme pour exprimer la division, la divergence et le fait que les gens s'éloignent les uns des autres et s'enfuient les uns les autres. Il se divise. Ça aussi, c'est dans l'explication de l'imam al-Nawawi à propos de Sahih Muslim. قال الصفي الرحمن المبارك فوري ولا شك أن هذه المنازعة تتحقق في الانتخابات فما من حزب إلا ويحاول بكل ما أوتي من المواهب والقدرات أن يتغلب على السلطة وينزع الحكومة من أيدي القائمين بها إذا كانت من الأحزاب المعارضة وعلى العكس من ذلك يحاول الحزب الحاكم أن لا يفلت زمام الحكومة من يده بحال. قلت فإن قال قائل إننا لا ننازع الحاكم حكومته بإجراء الانتخابات وذلك لأنه راض بمثل هذا النظام فنقول له إن النصوص التي تأمر بقتل من ينازع الحكام حكومتهم أو يأخذ البيعة لنفسه بعد تعين الإمام وانعقاد حكومته تدل على استمرار حكومة الأمير وأنها لا تنتهي بمجرد انتهاء فترة معينة وأنه لا مجال لإجراء الانتخابات إذ إجراء الانتخابات يقتضي على الأقل أن يقوم آخر ينازع الحكومة ويفرق أمر الأمة ويحاول أخذ البيعة لنفسه بينما النصوص تنهى عن كل هذا نهيا باتا. Donc le cheikh, il mentionne les paroles de Safi Rahman Mubarak Fouri, il dit, il n'y a pas de doute que toutes ces divisions et ces disputes qui se produisent dans les élections entre les partis politiques, hein, chaque parti essaie d'utiliser ce qu'ils ont comme habilité et comme capacité pour essayer de prendre le pouvoir et d'enlever celui qui est dans le gouvernement et de prendre sa place, tandis que l'autre parti qui est au pouvoir, il essaie de faire tout pour rester et garder les rênes du pouvoir entre ses mains. Donc ça c'est exactement l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, qu'il y ait ce genre de dispute autour du pouvoir et cette compétition entre les différents groupes de musulmans soi-disant pour essayer de prendre le pouvoir, ça c'est exactement ce que le prophète a interdit. Et il a dit qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, personne ne devrait essayer de lui disputer son autorité et son pouvoir, et qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et yani, c'est pas limité comme on a expliqué par une période de 4 ans ou des trucs de ce genre comme dans la démocratie ou comme dans le système électoral, le suffrage universel. Ça c'est pas permis les photos dans l'islam. Donc les dirigeants dans certains pays qui exposent leurs photos partout, ça c'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. Que ce soit pas juste pour les dirigeants, pour n'importe qui, on n'a pas le droit d'accrocher des photos dans l'islam de quelqu'un, de tout ce qui a un âme, ou un animal, ou un être humain. C'est pas spécifique aux dirigeants. C'est sûr que ça c'est pour le dirigeant, même que ça peut être encore plus interdit, parce que les gens ont tendance toujours à donner un grand respect à celui qui est au pouvoir, puis à parfois exagérer au sujet de sa personne, et donc ça peut amener des gens à des formes d'exagération, de glorification, puis de même jusqu'à l'adoration parfois, et au shirk. Donc c'est pas permis les photos, même si ça se fait dans plusieurs pays, hein. Mais ça c'est pas correct. Mais ça fait partie des formes de péché qui se trouvent dans beaucoup de pays musulmans, tu vois. Et que c'est des choses que les gens doivent essayer d'éduquer les musulmans pour leur faire comprendre que les choses de ce genre sont interdites dans l'islam. Pour que petit à petit les gens commencent à s'éloigner de ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce que je voudrais dire aussi à ce sujet-là, c'est que vous voyez par exemple qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au Pakistan, dans les élections. Combien de gens qui sont morts dans des attentats, des attentats, des bombes qui sont placées. Même une des candidates au Pakistan qui était connu justement, elle s'est fait tuer comme ça, de cette façon-là, soi-disant. Et à chaque fois qu'il y a un parti qui est au pouvoir, ou bien qu'il y a un parti qui ne veut pas que l'autre candidat gagne les élections, ils vont essayer parfois non seulement de saler leur réputation, de parler contre eux, mais ça va même parfois jusqu'au meurtre, hein, et jusqu'aux attentats terroristes, et ils mettent des bombes à un endroit où il y a des foules réunies, hein, et il y a des enfants, et il y a des femmes, et il y a des vieillards, il y a des gens qui sont là, et ils tuent n'importe qui dans ces affaires-là. Dans cet attentat-là, où Bhutto est morte, il y avait, je pense, 30 personnes qui sont mortes, qui sont mortes en même temps, durant cet attentat-là. Ben oui, c'est pas juste elle qui, c'est pas elle seule qui est morte, il y avait plein d'autres, je pense. Et ça, c'était une attentat. Sinon, il y en a eu d'autres avant et après. Donc ça, c'est pour dire que tout ça, c'est un genre de cirque que ces gens-là sont en train de faire et qui cause des morts qui fait couler le sang des gens. Et tout ça, c'est parce que les gens ont contredit l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de disputer à celui qui est au pouvoir son autorité. Hein? Même si le dirigeant qui est au pouvoir est injuste. Même si c'est un dirigeant injuste et qui fait des choses de péché, même dans cette situation-là, c'est pas permis de lui disputer l'autorité et le pouvoir pour essayer de le remplacer par un autre. Hein? Même si celui qui est au pouvoir lui-même avait pris le pouvoir injustement, on n'a pas le droit de l'enlever du pouvoir pour mettre un autre. Hein, même s'il a pris le pouvoir par d'une façon qui est haram ou d'une façon qui est contraire à la sunna, on ne doit pas essayer de l'enlever pour remettre un autre à sa place. Hein. Donc, ça c'est des exemples de contradictions. Et le cheikh il dit que dans le système de la démocratie, il y en a qui pourraient essayer d'amener une objection en disant par exemple, nous on n'essaie pas de prendre le pouvoir et de remplacer le dirigeant qui dirige le gouvernement en faisant des élections, parce que celui-là qui est au pouvoir, il est satisfait et il a accepté lui-même que ces élections-là soient établies, et puis il accepte ce système. Donc, comment vous pouvez dire qu'on lui prend le pouvoir ou qu'on dispute son autorité, puisque lui-même, qui est au pouvoir, il est d'accord avec ça. Et donc, le cheikh, on dit, nous, pour répondre à ça, que les textes qui ordonnent de tuer celui qui dispute au dirigeant son gouvernement, le fait qu'il est le chef du gouvernement, ou bien celui qui a pris la bay'a, c'est-à-dire l'allégeance, le serment d'allégeance pour lui-même, une fois qu'il a été désigné comme étant le dirigeant, ou l'imam, ou le chef, ou le khalifa, hein, alors c'est lui qui est à la tête de son gouvernement, et les textes, donc, qui interdit à un deuxième de prendre sa place ou de disputer son autorité, et qui ordonne de tuer le deuxième, prouvent que son gouvernement continue jusqu'à ce qu'il... ou bien tant qu'il est le dirigeant, et tant qu'il reste au pouvoir, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure en principe, ou qu'il soit plus capable de, jusqu'à ce qu'il soit plus capable de pratiquer ses fonctions. Et que ça ne termine pas uniquement après une certaine période déterminée ou prédéterminée, comme dans les élections. Et ça, c'est impossible dans le système des élections et des démocratiques, parce que ils font les élections à chaque 4 ans. Et donc ça implique qu'il va y avoir un autre qui va venir pour essayer de disputer le gouvernement et le pouvoir, et que ça va diviser la Ummah, hein, et que chacun va essayer de venir pour prendre la bay'a pour lui-même, et tout ça, tous les textes qui ont été mentionnés prouvent que ça c'est quelque chose qui est interdit complètement de faire ça. Ok. وأضف إلى ذلك أن هذا الكلام قول بالظن وليس باليقين، فلا يجوز مخالفة الأدلة بالظن، وخصوصا أن النفس كثيرا ما تغلب جانب الركون إلى حطام الدنيا إلا من رحم الله. وقبل هذا وذاك نقول نقول له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الانتخابات من الإسلام، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة، في الأدلة من جميع أوجهها وأنها لكم ذلك. Donc le cheikh il dit on peut rajouter à ça que cette parole-là, le fait de dire par exemple que la personne serait la personne serait d'accord avec ce système-là puis que elle-même elle accepte qu'on vienne prendre le pouvoir et le remplacer, ça c'est basé sur une supposition, c'est pas quelque chose qui est basé sur une certitude, parce que peut-être qu'il dit qu'il est satisfait alors qu'en réalité au fond de son cœur non. Et de toute façon, c'est pas permis d'opposer les textes de la Sunna et du Coran et de la Sunna en se basant sur des suppositions. Hein. Et yani, ensuite le Cheikh il dit peu importe que ce soit ça ou ça, commence par établir ton argument, amène les preuves, puis après tu peux amener tes qu'est-ce que tu prétends. Hein. Présente tes preuves que la démocratie fait partie de l'islam, puis après on discutera pour savoir si ces détails-là sont permis ou non. Et ça tu ne pourras jamais, hein, il dit vous ne pourrez jamais arriver à trouver une chose pareille. Donc pourquoi? Parce que c'est clair que la démocratie n'a rien à voir avec l'islam, et ça de toute façon tout ça, ça va être encore plus détaillé dans les choses qui vont suivre plus tard. Et juste pour ajouter un point à ce sujet-là, c'est que quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est au pouvoir pendant 4 ans, même ici par exemple dans les gouvernements non musulmans, dans les pays non musulmans, il est au pouvoir pendant 4 ans, en 4 ans tu peux rien faire, tu as le temps de rien faire, au contraire peut-être à la fin des premières 4 années que la personne elle arrive vraiment à commencer à manager vraiment, puis disons s'organiser comme il faut, puis d'être confortable avec qu'est-ce qui se passe pour essayer de régler des choses. Ou si après 4 ans tu t'en vas, un autre vient, mais il faut encore qu'il se réadapte à tous les dossiers, à toutes les questions, à toutes les choses qui ont commencé à être qui commencent à être réglées, et là il faut ramener une autre personne, et puis peut-être que la personne qui vient prendre le pouvoir après les 4 ans fait partie d'un autre parti qui a une autre philosophie, une autre idéologie, une autre vision de comment changer la société, soi-disant. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir à zéro, défaire tout ce que les autres avaient fait, et commencer à établir quelque chose de nouveau, puis encore là, ça prend plusieurs années. Donc, encore après, il y a les prochaines élections qui arrivent, ça coûte de l'argent, dépense d'énergie, et donc, il n'y a jamais rien qui termine. Oui, c'est ça. C'est souvent cet argument-là qu'ils disent. Exactement. Ils disent, c'est ça. Quand ils sont arrivés à la fin de leur mandat et qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements ou leurs paroles, ils vont donner comme excuse, comme le frère a dit, frère Mourtar, que quelqu'un va, ils vont comme argument, comme excuse, ils vont mettre le blâme sur le parti qui était là auparavant. Dire mais on n'a pas pu faire ce qu'on avait promis de faire ou ce qu'on a dit qu'on allait faire parce que on était en train de réparer les erreurs que les autres avaient fait dans les 4 années d'avant. Et donc c'est toujours un cercle vicieux comme ça qui tourne à l'infini, parce que ça sera toujours comme ça. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer en fait que c'est pas 4 ans, ce sera jamais suffisant. Et lorsque quelqu'un commence à commencer à régler les choses, c'est là qu'il doit s'en aller souvent, c'est comme ça. Donc ça c'est pour vous montrer que de ce point de vue-là, même de l'islam, tout ça c'est contraire à wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De ce point de vue-là, c'est contraire à l'islam, à la démocratie, encore, c'est un argument de plus. Ouais, c'est ça. Ensuite, je lisais hier justement un document qui a été écrit, je sais pas si c'est écrit par des gens qui se disent musulmans ou non, mais c'était un site, je pense, ou un argument, une organisation qui s'appelle Démocratie, Paix et Démocratie, puis ils essayaient de faire la promotion, de la démocratie dans les pays musulmans, et ils essaient de démontrer ou de présenter leur stratégie, comment ils vont faire ça, Donc ils disent qu'il faut rallier de notre côté les musulmans modérés et il faut essayer d'essayer de les rapprocher au dialogue, de les amener à un dialogue pour essayer de leur faire accepter certains principes, etc. Rallier avec eux les musulmans qui sont modérés, qui sont modernistes, etc. Puis après ça, il disait qu'il ne faut pas opposer la démocratie à l'islam. Il ne faut pas dire l'islam ou la démocratie, il faut dire l'islam et la démocratie pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre les deux. Et puis ils utilisent certains arguments qu'on a mentionnés déjà, mais qu'on va analyser plus en profondeur dans les cours qui vont suivre. Mais c'est juste pour vous dire en passant qu'il y a ce genre de choses-là. Et c'est des gens qui se disent laïcs, et il y a maintenant des, comme on avait dit dans les cours précédents, il y a maintenant des islamistes, soi-disant islamistes, laïcs, maintenant. Hein? C'est vrai, c'est étonnant. Il y a quelques années auparavant, ces gens-là disaient que la laïcité c'était kufr. Maintenant ils ont changé leur discours, et actuellement ils disent que la laïcité non, c'est pas contre l'islam maintenant, c'est en accord avec l'islam. Hein? Donc c'est une contradiction bien évidente de leur part. On va mentionner le cinquième point que le cheikh a écrit à ce sujet-là, parce que là, le cheikh il mentionne des points qui sont un peu plus courts par rapport au premier point qu'on a mentionné. Donc on passe moins de temps sur les points, puisque sont moins longs, mais sinon ça dépend des points. Parfois c'est plus long, parfois c'est plus court. Là, comme il mentionne un autre exemple, « يؤدي النظام الانتخابي إلى تولية غير المسلم » Ça veut dire que le système démocratique ou électoral amène à mettre au pouvoir un non-musulman, un kafir. Ça peut amener comme conséquence que celui qui va être à la tête ou diriger les musulmans va être un kafir. Et ça c'est quelque chose de haram dans l'islam, que les musulmans soient dirigés par un non-musulman. Et il dit par exemple, « وهذه مفسدة عظيمة قل من قل من يتنبه لها ذلك أن أهل الشر في المجتمع أكثر من أهل الخير قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال إنه الحق من ربك ولا تكونن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وقال أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون الآيات في تقرير هذا كثيرة فإذا كان الحال ما ذكر وما تقرر فمن يضمن أن يتولى الحكم بالطريقة الانتخابية من هم أهل له وأهل الشر في المجتمع أكثر من أهل الخير. Donc le cheikh il mentionne ici un point très très important. Il dit que il y a un grand un principe ou un point qui est très négatif. Une mafsada très grande, un effet très grand à la démocratie, aux élections, et que peu de gens réalisent parfois, et c'est que les gens qui aiment le mal dans la société, que ce soit société musulmane ou non musulmane, les gens qui aiment le mal sont plus nombreux que les gens qui aiment le bien en général. Hein, les gens qui aiment le bien et qui aiment la vérité et qui sont sur la vérité sont bien souvent moins nombreux que les gens qui aiment le mal. Donc, qu'est-ce que ça amène comme conséquence au système démocratique? Étant donné que dans le système démocratique, c'est la majorité qui décide, c'est la majorité qui l'emporte, donc, étant donné que la majorité des gens sont pas bons, en principe sont mauvais, ils aiment le mal, eh ben c'est toujours les gens du mal qui vont être au pouvoir. Et ça peut amener même que la personne qui va être élue, qui va prendre le pouvoir, va être kafir, un mécréant, celui qui va dire aux gens que, ou qui va permettre aux gens de suivre leur passion. Hein? Et il mentionne des versets. comme le verset 116 dans Sourate Al-An'am, qui dit « Et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils vont t'égarer du bon chemin. » Ça c'est la réalité. Combien la même sur la terre, si on regarde la proportion des musulmans et des non-musulmans, pour chaque musulman sur la terre, il y a environ 5 non-musulmans. La majorité des êtres humains sur la terre sont dans l'égarement, sont pas des musulmans. Donc si on devait faire un vote de tous les êtres vivants sur la terre pour savoir qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est sûr que c'est les non-musulmans qui vont remporter. Et donc ça voudrait dire que s'il y avait un gouvernement mondial et que c'était basé sur la démocratie et qu'on devait faire des élections pour décider les choses de la vie, eh bien c'est sûr que ce serait les mécréants qui auraient toujours le dessus. Et que la vie ne serait pas établie selon les règles de l'islam et les lois d'Allah. Donc ça c'est pour vous donner un exemple dans le monde entier si on prend par proportion de population et de religion et de croyance. Maintenant, dans un pays musulman, même à l'intérieur du pays musulman, il y a une grande majorité des gens qui sont ignorants, qui n'aiment pas la vérité, qui sont parfois ennemis de ce qui est bon pour eux, par ignorance, ou parfois même consciemment, qui s'opposent à la vérité, ou qu'est-ce qui est dans le Coran ou dans la Sunna. Et donc, si on devait se baser sur l'élection et sur les votes, ça amènerait que la personne qui serait élue au pouvoir, parfois, ne serait pas la bonne. Et il mentionne aussi un autre exemple, un verset qui dit que c'est la vérité, c'est-à-dire le Coran c'est la vérité qui vient de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne savent pas. Ça c'est le verset 17 dans Sourate Hud. Ensuite il mentionne un autre verset, le verset 103 dans Sourate Yusuf, il dit que la plupart des hommes ne croiront pas, même si tu le désires ardemment. La plupart des hommes sur la terre ne sont pas croyants, même si tu le désires ardemment. Et il mentionne le verset 24 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et donc ils s'en détournent. » La plupart des gens ne connaissent pas la vérité et ils s'en détournent. Et il mentionne le verset 70 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce qu'ils disent qu'il est fou ou qu'il est possédé ?» Mais certes la vérité leur est venue, en fait, la vérité leur est venue, mais la plupart d'entre eux ont une aversion pour la vérité, détestent la vérité. أكثرهم للحق كارهون. Donc on voit que la majorité, en grande partie la majorité, sont des hommes sont mauvais, ou sont égarés, sont ignorants, tandis que c'est une minorité des hommes qui savent, et qui suivent la vérité, et qui sont sincères. Et donc, si on devait se baser sur le nombre ou sur la majorité pour savoir qu'est-ce qui doit être établi ou qu'est-ce qui doit être suivi dans la société, eh bien c'est sûr qu'on serait dans l'égarement. Et Youssef Al-Qardawi, dans sa réponse à la démocratie, il a mentionné ces versets-là et il a dit il y a certains musulmans qui ramènent ces versets-là pour essayer de dire que la démocratie c'est pas bon parce que la majorité des gens seraient soi-disant pas bon. Mais il dit que non, ça c'est pas vrai, ça s'applique pas parce que nous on parle d'une société idéale où les gens aiment le bien et qu'ils veulent le bien et qu'ils choisissent le bien. Et moi je me demande, c'est qui vote? Et cette société idéale où les gens sont tous pour le bien et ils aiment tous le bien, où est-ce qu'elle est cette société? Est-ce qu'elle a déjà existé à 100% où tout le monde dans la société aime 100% le bien? Et ouais, ça c'est les paroles de politiciens. C'est des choses qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas réalistes. C'est des rêves, en fait. Parce que tu regardes dans les... C'est une utopie, exactement, c'est une chose, c'est pas concret. Parce que, dans la réalité, la plupart des gens, si tu leur demandes de voter, par exemple, est-ce que vous voulez qu'on interdise, par exemple, l'alcool dans la société ou non, et tu leur fais voter cette chose-là dans la société, c'est probable que la majorité des gens vont dire on veut pas l'interdire, ou même que on va dire aux gens est-ce que vous voulez que le voile soit obligatoire dans la société et que toutes les femmes doivent se voiler obligatoirement lorsqu'elles sont dans la rue ou non. C'est probable que dans certains pays musulmans les gens vont voter qu'ils veulent pas que ce soit obligatoire, même si c'est écrit dans le Coran. Et donc où est-ce qu'elle est cette société soi-disant parfaite ou idéale où tout le monde aime le bien et ils veulent uniquement le bien, et ils vont choisir uniquement la personne qui est pour le bien. Ça c'est comme tu as dit, c'est une utopie. Et on n'a pas le droit non plus de présenter les lois d'Allah à des votes, hein, et de le mettre au désir et aux passions, selon, de les appliquer ou de les rejeter selon les passions des gens. Ça c'est quelque chose qui se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé aux gens de voter les lois d'Allah pour savoir est-ce qu'on les accepte ou non. Si t'es croyant, tu l'acceptes. Si t'es pas croyant, tu la rejettes, alors là c'est autre chose, parce que t'as rejeté la vérité qui vient d'Allah. Mais si tu dis je crois au Coran, je crois à la Sunna, je crois à ce qui vient d'Allah, c'est la vérité, je suis musulman, dans ce cas-là tu dois te soumettre, tu dois l'accepter tout entier, et l'appliquer et appeler les autres à l'appliquer. Mais si tu dis je suis musulman mais j'accepte ça, mais j'accepte pas ça, j'accepte ça, mais j'accepte pas ça, et tu commences à faire un tri, et tu commences à accepter une partie du livre et rejeter l'autre partie, alors là, c'est pas l'attitude d'un vrai croyant, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sincère envers sa foi. Et donc, ensuite, le cheikh il dit, donc tous ces versets-là qu'on a mentionnés montrent et prouvent que, dans le système démocratique, quelqu'un pourrait arriver au pouvoir alors qu'il n'en est pas qui n'est pas la personne qui est la personne apte à être au pouvoir, et qui parfois ça va être une personne qui est mauvaise, hein, parce que la plupart des gens sont mauvais. Et donc ça c'est un exemple de ça. Et souvent les critères de jugement par rapport à, comme j'écoutais certains islamistes qui faisaient des discours par rapport à l'islam, et ils disent nous on regarde pas la religion de la personne quand c'est une question de voter pour une responsabilité. On regarde la compétence. Si tu es un musulman compétent, on te donne la position. Si tu es un non-musulman compétent et que l'autre musulman... Si tu es un kafir qui est compétent et juste, on va voter pour le mécréant qui est compétent et juste, et on va pas voter pour le musulman s'il n'est pas compétent et s'il est injuste. Donc, pour lui, c'est correct de voter pour un non-croyant, si soi-disant il est juste et compétent. Hein. Donc, c'est des attitudes comme ça que les gens ont pour essayer de dire que l'important, c'est pas ta religion, l'important, c'est juste, soi-disant, est-ce que tu es juste ou non. Et les notions de justice, parfois, selon ces gens-là, c'est pas les notions de justice établies selon le Coran et la Sunna et l'Islam. C'est les notions de justice basées sur les théories des socialistes, des communistes, des humanistes ou des démocrates, des laïcs. C'est pas les mêmes références de justice que les références qui sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport justement à l'établissement du tawhid et au combat du shirk. Et que ça c'est la plus grande injustice, hein. Et que c'est la plus grande incompétence. Si quelqu'un a pas le tawhid, il est déjà en partant dans l'injustice, donc comment on pourrait espérer de lui de la justice? Donc ça c'est le premier problème. Et les détails de ça, bien entendu, on va en reparler plus tard. Ok, Inch'Allah. Le cheikh il dit, et on va finir avec ce point-là, « يؤدي النظام الانتخابي إلى توية المرأة » Le sixième point, c'est que le système démocratique peut amener comme conséquence l'élection d'une femme. L'élection d'une femme, et ça c'est contraire à l'islam. Le chef il explique ça. ذلك أن النظام الانتخابي يفتح الباب حتى للمرأة أن تشارك في الانتخابات وقد تحظى بأكثر عدد من الأصوات في تشريحها. وفي هذه المفسدة مخالفة صريحة لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الحافظ ابن حجر قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. donc Ici, le cheikh, il mentionne ici les paroles, il mentionne en fait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de certains ulama par la suite, puis on va lire avant ça la parole qu'il dit. Il dit que le système démocratique électoral ouvre la porte à ce qu'une femme soit élue si elle participe aux élections, si elle remporte le plus grand nombre de voix. Et il y a un grand méfait là-dedans du fait que c'est une contradiction directe et claire à ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, parmi les hadiths rapportés par Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ce hadith d'Abu Bakr dans Sahih al-Bukhari, il est authentique. Et les gens de Bid'a, parmi les modernistes et les Ikhwan et d'autres, certains d'entre eux ont essayé d'attaquer ce hadith-là et de remettre en question son authenticité en essayant de parler contre le Sahabi Abu Bakr et en disant qu'il n'est pas authentique dans le hadith. Alors qu'on sait très bien que les Sahaba sont tous authentiques, ils sont tous udoul, hein, sont tous fiables. Hein, et sans compter que Abu Bakr, c'est un des grands Sahaba, c'est un des grands parmi les Sahaba, un des Sahaba qui est respecté et connu. Et ces hadiths, personne parmi les ulama de hadith ne les ont jamais rejetés. Donc, d'entendre ces modernistes-là venir remettre en question l'authenticité de ce hadith-là, eh bien, ça remet en question justement leur fiabilité à eux par rapport à leur attitude vis-à-vis des hadiths et de l'islam. Du fait qu'ils essaient de rendre faibles les hadiths authentiques quand ils sont contraires à leur passion, et ils essaient d'authentifier des hadiths faibles quand ces hadiths-là sont en leur faveur, soi-disant pour essayer de défendre leur passion. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu que les gens de la Perse ont mis au pouvoir la fille de Kisra, après la mort de Kisra, Kisra c'était le dirigeant perse à l'époque, quand il est mort, ils ont mis à sa place sa fille. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là qu'un peuple qui a mis une femme au pouvoir n'aura jamais le succès. Un peuple qui met au pouvoir une femme n'aura jamais le succès. Parmi les égarés de notre époque, il y en a parmi eux qui essaient de rejeter, non pas l'authenticité du hadith, mais de rejeter le hadith au complet. Non pas par rapport à l'authenticité de la chaîne de narrateur, mais par rapport au texte lui-même en disant que c'était contraire à la raison. Et comme argument de citer Golda Meir, de citer la reine Victoria et de citer Margaret Thatcher pour essayer de dire que ça prouve que le hadith est faux et qu'il est contraire à la raison. En citant les exemples de ces femmes mécréantes, hein, ces femmes kafras, qui ont dirigé dans des pays en Israël, hein, Golda Meir, et en Angleterre, Margaret Thatcher et la reine Victoria et des trucs de ce genre. Et bien entendu, ils savent pas, ils n'ont pas compris le hadith. Ils n'ont pas compris non plus de quel succès le professeur s'en a parlé. Donc il y a ce point-là, et bien entendu le fait de nier ce hadith-là en se basant sur des arguments pareils, c'est déjà une attaque et une insulte contre la sunna, et on en reparlera inshallah. Le cheikh il mentionne les paroles de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Il dit, ibn Hajar, que l'imam al-Khattabi a dit que ce hadith-là est une preuve qu'une femme ne peut pas prendre la position d'autorité et la position de juge. Elle ne peut pas faire ça. Et ça c'est rapporté dans Fath al-Bari. Et celui qui avait dit par rapport au hadith qu'il a dit que ce n'était pas logique, c'était Mohamed al-Ghazali, celui qui est mort récemment. Et il y a un autre qui a essayé de dire que c'était permis pour une femme de prendre la position de pouvoir. Et c'est le mufti de l'Azhar, ou le chef de l'Azhar en tout cas, l'université de l'Azhar. Et il a dit qu'une femme peut être présidente dans un pays musulman. Mais qu'est-ce qui est étrange? Cheikh Rabi' justement l'a réfuté là-dessus. Cheikh Rabi' hafizahullah, il a écrit une réfutation à ce sujet-là, en disant que c'est étrange, comment ça se fait que vous dites que c'est permis pour une femme d'être présidente d'un pays, mais qu'elle ne peut pas être mufti de Al-Azhar, mufti, ou avoir la position de mufti. Elle ne peut pas être mufti mais elle peut être présidente du pays. Donc ça c'est étrange comme, comme jugement, hein. Exactement. Ils vont, c'est le président qui décide qui est le mufti, donc elle va l'enlever, elle va mettre une femme comme du Mokhtar. Non, mais ça c'est des exemples d'absurdité dans le jugement de certaines personnes. Tout ça, ça lui va pour faire plaisir à l'Occident et leur dire des patois qui vont aller dans le sens de leur, de leur, de leur programme et de leur système. Hein? Et des gens m'entendent que les koufars veulent que les sociétés musulmanes soient dirigées par, par la, la démocratie. Et de les voir à quel point ils insistent là-dessus, ils mettent de la pression pour les pays musulmans, de, pour que les pays musulmans soient démocratiques, ils mettent des pressions économiques, des pressions politiques, même des pressions militaires dans certains pays, ils vont même jusqu'à les attaquer pour que, soi-disant, la démocratie soit appliquée à tout, par tous les moyens possibles, même, par la, même en détruisant un pays au complet, par des bombes et par des guerres. Mais le cas de la Turquie, ça c'était, c'était une autre situation, mais bon, c'est, ça c'est juste pour dire que c'est un peu bizarre de voir à quel point ils insistent. En fait, c'est pas bizarre, c'est parce qu'ils veulent mieux avoir un contrôle sur les pays musulmans et diriger la politique de qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, et c'est bien entendu la meilleure façon de faire ça, c'est de permettre aux gens de, ou bien de, d'ouvrir la porte aux gens à la démocratie. Parce qu'une fois que la démocratie est établie dans un pays, c'est là que la, la corruption s'infiltre complètement. Et même dans les pays européens et américains, avant qu'il y ait une démocratie, la corruption et le désordre moral et autres étaient bien moins grands. Mais avec la démocratie, il n'y a plus de morale. Il ne peut plus y avoir de morale. Parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et de d'être laïque et de ne pas se référer à aucune loi religieuse et à aucun principe religieux et de vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, hein, et comme s'il n'y avait aucune révélation et aucun prophète, hein, de suivre ses passions. Donc, et le fait qu'une femme soit au pouvoir, c'est bien entendu une des causes de désordre dans la société. Et comme le cheikh il dit, il mentionne un autre hadith. قال أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان دينها وعقلها يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها واللفظ للبخاري قلت فكيف من هذه حالها يجوز لها أن تتولى مقاليد السلطة. Le cheikh, il mentionne un hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim, et qui est un hadith al-tafaq alayh, donc qui est de plus haute authenticité, selon, rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh, vous les femmes, donnez de, en aumône et en charité, car j'ai vu que la plupart d'entre eux, j'ai vu que vous êtes la majorité des habitants de l'enfer. Et elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que vous insultez beaucoup, vous dites beaucoup de malédictions, vous invoquez beaucoup la malédiction, l'âme, et vous êtes ingrates envers vos familles, envers vos maris. Hein? Donc, et il dit, et je n'ai pas vu personne qui est plus déficiente, sur le plan de la raison et sur le plan de la religion que l'un d'entre vous, et qui peut facilement faire perdre la tête à un homme intègre et qui a toute sa volonté, hein, que l'un d'entre vous. Donc, donc c'est pour dire, c'est vrai, hein, les femmes, si elles veulent faire perdre la tête, elles sont capables. Et donc les femmes ont demandé à ce moment-là au messager d'Allah, quelle est sa déficience ou son manquement sur le plan intellectuel et sur le plan de sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est équivaut à la moitié du témoignage de l'homme? Ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles ont demandé, et quelle est sa déficience dans sa religion? Ah oui, c'est ça. Au début, il a demandé, n'est-ce pas que la déficience de la religion, c'est que la déficience de sa, sur le plan de sa raison. En fait, les femmes ont demandé, quelle est sa déficience, ou quelle est la déficience de la femme dans sa religion et dans sa raison, dans son intelligence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est comparable à la moitié du témoignage de l'homme? Elles ont dit oui. Et il a dit voilà sa déficience sur le plan intellectuel, sur le plan de son intelligence. Et ensuite, il a demandé, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Les femmes ont répondu oui, messager, oui c'est vrai, certes, messager d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, voilà la déficience qu'elle a dans sa religion, hein, ou la faiblesse qu'elle a dans sa religion. Donc, ça c'est le rapporté par Al-Bukhari. Et parmi les modernistes, comme Qardawi et Amr Khalid et d'autres, il y en a qui ont essayé de détourner la signification de ce hadith-là, puis ils ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il faisait une blague avec les femmes. Oui, astaghfirullah, ils ont essayé de dire que, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait pas ça sérieusement, quand il a dit que les femmes sont déficientes intellectuellement et dans leur religion, il disait ça pour blaguer avec les femmes. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, je blague, mais même quand je blague, je suis sincère et je suis sérieux. Et donc, quand il fait une blague, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne ment pas. Et il a dit malheur à celui qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais fait une blague en disant un mensonge. Et même s'il aurait dit en blague, ce serait vrai. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, la preuve que c'était pas une blague, il a expliqué sa parole par la suite. Il a clarifié qu'est-ce qu'il voulait dire par la déficience de son intellect et la déficience de sa religion. Donc quelqu'un qui fait une blague, est-ce qu'il explique par la suite, clairement comme ça, qu'est-ce qu'il voulait dire, en clarifiant de cette façon, et en expliquant qu'est-ce que c'est sa déficience sur le plan intellectuel, qu'est-ce que c'est sa déficience sur le plan religieux. C'était clarifié, clair par le professeur Ansel. Donc c'est clair que la femme elle a cette déficience-là. Et les ulama ils ont expliqué ce hadith-là en détail, mais ça veut dire que la femme ne peut pas prendre la position de dirigeance dans un pays musulman et être à la tête d'un pays. On sait que parmi les responsabilités du dirigeant dans l'islam, c'est qu'il doit diriger la prière, il doit faire la prière de Jumu'ah, et il doit guider les hommes dans le combat. Est-ce qu'une femme est capable de faire ça? Et si elle a ses règles, qui va prendre la place d'imam? Et même une femme ne peut pas être imam pour les hommes dans la mosquée, hein, et elle ne peut pas être juge des trucs de ce genre. Donc c'est pour vous dire que dans l'islam, la femme elle a sa position et son rôle, et l'homme il a sa position et son rôle. Et de dire que dans l'islam la femme peut prendre la position de dirigeant, c'est quelqu'un qui contredit tout ce qui a été dit par les savants depuis 1400 ans et qui veulent essayer d'amener une nouvelle religion en l'an dans lequel nous sommes aujourd'hui pour essayer de faire plaisir à ce que les koufars ont décidé dans leur système et dans leur mode de vie, hein. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inchallah. Et on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.